mes amis. Ah, hier, je vous disais que ce week-end, je limais les dents de Zouzou. Eh bien, figurez-vous que je sais pourquoi il m'a demandé de lui rendre ce service. Il en a marre de travailler au bois. Il cherche un boulot normal, mon Zouzou. Il voulait être présentable pour son premier rendez-vous à la NPE. Ah, comme il était un peu nerveux, il m'a demandé de l'accompagner. Eh ben, je vous garantis, je me suis pas emmerdé. Ça donnait à peu près ça. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, tous ces gens, bordel de strudel? Jamais ils bossent? Numéro 581. Ah, c'est bien toi à nous, Helmut, c'est bien toi à nous! C'est quoi ton numéro? 889. Oh, bah oui, t'as raison. Heureusement que j'ai apporté de quoi patienter. 6 heures et 25 litres plus tard. Numéro 889. C'est moi! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Bingo! C'est moi! 889! Je vous en prie, rentrez. Oh là là, fais gaffe à ce que tu dis, le marsouin. Le Zouzou, quand tu lui dis de rentrer, il se fait pas prier, le sodomite. Ma Helmut, tais-toi, tu veux me mettre la honte? Je suis là pour trouver un travail. Quelle est votre spécialité, monsieur Zouzou? Est-ce que vous avez un CV? Non, je ne l'ai pas CV, je l'ai cassette vidéo de moi. Ouh là là là là, attention le fonctionnaire. Je te préviens tout de suite, c'est du sérieux la cassette, ça fout la trouille. Genre intrigue qui fait peur à fond? Non, non, non, là c'est plutôt du style qui fait peur au fond. Et puis le gars, il a regardé le CV télé du Zouzou, il a vomi, il a fait 12 fois le signe de croix, puis il a regardé Zouzou et lui a dit... Monsieur Zouzou, j'ai bien étudié vos références et je ne vois qu'une carrière en rapport avec vos compétences. Une profession dans laquelle on se met souvent à genoux et qui consiste à profiter de la misère des autres. Devenez prêtre. Ah, je suis sûr que le Zouzou, ça va le brancher. Rien que d'avoir le droit de bosser en soutane. Bon, je vous laisse. Je vais téléphoner un exorciste. Allez, au revoir, Zen.